On aura peut-être compris le bois, mais pas tout à fait la sève. Regarde les arbres. Regarde-les bien. Ils nous cachent des choses avec leur silence, avec leur calme. Tout ce qu'on ne voit pas, le souterrain, les fibres des bois, l'échange des liquides par osmose. Le marché noir de la nature reste inconnu, comme les abysses de l'océan, comme tes envies les plus sombres. Tout ce que l'arbre nous cache est à prendre. Vas-y. Tu peux faire tout ce que tu veux avec eux. Tu peux les interpeller, les percuter avec ta voiture, leur envoyer des gaz lacrymogènes, graver ton nom sur les écorces ou même planter une pancarte pour la fête de la saucisse à l'aide des clous. T'inquiète. D'habitude, ils pratiquent la résistance passive. D'habitude, ils s'accrochent à la terre. Ils font les morts. Ils crient pas. Même pas un post sur Facebook ou un simple tweet. Ils savent que la victoire l'aurait dû. Ils savent que le temps leur appartient. Ils communiquent par les sous-sols dans des langages qu'on ne domine pas, à des vitesses qu'on ne conçoit pas. Rends-toi compte, c'est quelque chose d'autre en végétal. Toi, tu bouges dans l'espace. Eux, ils traversent le temps. On aura peut-être compris le bois, mais pas tout à fait la sève.